Pour cette première chronique du plat pays, pas si plat que ça pour ceux qui le connaissent bien, je vais d'abord vous parler du cinéma belge en général, ensuite de deux films, Le Fidèle et Tué de Gelate, double face en français. Le cinéma belge n'est pas un, mais deux, voire même trois. Primo, le cinéma francophone. Les chefs de file ont longtemps été les frères Dardenne, bardés de prix à Cannes. Ils n'étaient pas seuls, mais à l'étranger, c'était comme si. Pourtant, d'autres réalisateurs travaillaient régulièrement, tels que, par exemple, Bully Lanners, Fabrice Duwels ou encore Joachim Lafosse. Ceux-ci sont maintenant rejoints par une nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices, ce qui permet au cinéma francophone de changer, de devenir plus varié. Deuxio, le cinéma flamand. Cela fait plus de temps qu'il est varié, qu'il ose, qu'il accumule les succès au box-office. Toutefois, il est très peu diffusé en Wallonie, alors que c'est le même pays, bizarrerie de la Belgique. Et selon certains, il y aurait même le cinéma bruxellois, provocateur, voulant choquer. De toute façon, les amateurs de cinéma ne se préoccupent pas de la provenance des films. Ils veulent juste voir de bons films. Le Fidèle de Michael R. Roskamp est sorti début octobre en Belgique et ce 1er novembre en France. Michael R. Roskamp, cette tête de bœuf, nommée à l'Oscar et au César du meilleur film étranger, c'est aussi Quand vient la nuit. Comme un métronome, 6 ans après son premier long métrage et 3 ans après son premier film américain, Michael R. Roskamp revient avec un film réunissant le Belge Mathias Konart, son acteur fétiche, et la Française Adèle Exarchopoulos. Malheureusement, Le Fidèle ne répond pas à l'attente. La faute à un scénario bancal, efficace dans sa première partie, à la ramasse dans la deuxième, est trop long. Je m'explique. La première partie, c'est la collision entre les deux protagonistes. On y croit, même si la première scène entre Gino, Mathias Konart, et Bénédicte Adèle Exarchopoulos est, comme qui dirait, un peu ratée. Cela avance bien, on sent une relation se construisant. Il y a aussi une scène de braquage ahurissante, imaginative, pleine de bruit et de fureur, rarement vue dans un film belge. À cet instant, je me dis qu'on est sur de bons rails, quand le film va rester dans le même tempo. Patatras. La deuxième partie, quand Gino se retrouve en prison, tourne au n'importe quoi, avec des moments sans queue ni tête s'accumulant, sans qu'on comprenne pourquoi. Cela tire en longueur. À ce moment-là, j'ai eu envie de m'en aller tellement ça me gonflait. Je suis resté pour voir jusqu'où Michael R. Roskamp poussait sa logique. Au final, on se retrouve devant un film décevant, avec un goût de trop peu. Tué de Gelate, double face en français, est dans les salles belges depuis le 25 octobre. Avec ce film, nous avons affaire à un bon policier, l'ornant largement du côté US, mais avec de la subtilité européenne. Un bon mix pour ne pas se taper un film bêtement manichéen. Le scénario n'est pas trop mal ficelé, la chasse d'un tueur en série avec des rebondissements, quelques fausses pistes, un conflit entre flics amis dans la vie. Cela ne casse pas 3 pattes à un canard, mais on passe un bon moment. La réalisation est dynamique. Le vieux routier du cinéma flamand, Jan Verheyen, a à son actif plus d'une dizaine de longs métrages répartis sur 25 ans. Il sait y faire. L'acteur principal Koen De Bouw est une tête connue pour qui a vu quelques films flamands. J'ai passé 2 heures intéressantes sans trop me prendre la tête. Quelquefois, c'est ça qu'on demande au cinéma. À la prochaine fois.